Non, idée. Mais c'est fini, oui. Merci. Bonjour. Viens là, viens là. Vous savez, le chien, il est sur le trépied. Allez, viens là, viens là. Allez.